Monsieur le commissaire, par Philippe Gerfaut. Monsieur le commissaire trempe une 12e mouillette dans un œuf de canard couvé par une poule, lorsqu'on vient lui annoncer la nouvelle d'un crime et de plus qu'on a trouvé un bras dans un puits du quartier Saint-Antoine et une jambe dans un autre puits situé plus loin. Monsieur le commissaire pose sa serviette sur la table, met son chapeau sur sa tête et va à la recherche des morceaux de son Osiris. Il apprend en effet dans le quartier la disparition de Créti, ouvrier. Mais comme cet homme n'avait point de parents et n'avait qu'un ami, personne ne s'est inquiété de sa disparition qu'on a prise pour un voyage ou pour un changement de domicile. L'immeuble qu'habitait l'ouvrier était divisé en chambres louées une par une à des familles qui s'y logent tout entières pour la plus grande satisfaction de la morale et de la propreté. Père, mère, enfants grouillent sur des lits crasseux autour du poêle taché de graisse. On trouve encore moyen d'élever des chats et des chiens dans les coins, des oiseaux et des fleurs sur les fenêtres. Le plancher est dégoûtant et la dame de charité qui visiterait ces taudis en relevant sa jupe n'aurait pas l'illusion de la reine de Saba marchant sur des miroirs. La cour est une halle de vieux débris, de ferrailles, de morceaux de bois, de vieux tonneaux, de vieilles tables, de vieilles bouteilles, de vieux balais. Le linge sèche à tous les vents, perchés sur des cordes. Ce sont des blouses bleues, des chemises de grosse toile, de petites robes d'indiennes aux enfants, de gros bas tricotés. Monsieur le commissaire engage une conversation avec la portière de cet immeuble, où les insectes de toutes sortes sont encore plus nombreux que les gens. Crétine, n'est-il pas vrai, n'avait pour ami que le tailleur Rénal, qui demeurait au-dessous de chez lui. C'est vrai comme la vérité, monsieur le commissaire. Quel homme était-ce que ce Crétine? Un bon ouvrier, ne manquant pas une journée, ayant des économies dans son tiroir et toujours de l'argent dans sa poche. Il ne buvait pas. Sa seule distraction était d'aller jouer le domino chez M. Rénal. Lorsqu'il a disparu, comment ne vous en êtes-vous pas inquiété, ne serait-ce qu'à cause du terme? Cela ne me regardait pas. Puisqu'il laissait ses meubles, le propriétaire avait sa garantie. Bien, dit le commissaire en souriant. Qu'avez-vous à me dire du tailleur? Ce n'est pas un homme bavard, mais il paye tout exactement, les étrennes, le terme, plus de francs 50 de monnaie que nous lui rendons avec la quittance de loyer et qu'il a la délicatesse de nous offrir toujours. Vous ne pensez pas qu'il ait eu d'altercation avec Créti? Il n'a jamais eu d'altération avec personne, monsieur le commissaire. Comment voulez-vous qu'un homme qui est toujours assis en X se dispute avec son prochain? Et une nuit, vous n'avez pas entendu de cri? Demanda le commissaire, qui étudiait la physionomie plutôt que les réponses de la portière. Comment voulez-vous que j'entende du bruit dans une maison habitée par 60 locataires? Tous les bruits se confondent, si bien que je ne les distingue pas. Et puis, dans une soupente, on n'entend rien. Voilà une contradiction, dit en lui-même le commissaire. Le tailleur n'est pas sorti une fois, à une heure très avancée de la nuit. Cela se peut, comme cela ne se peut pas, monsieur. Les locataires, ici, passent leurs bras par la vitre mobile de la loge et se tirent le cordon eux-mêmes pour ne pas me réveiller et pour ne pas réveiller le petit, un enfant, que j'ai eu après 18 ans de mariage, monsieur. Quand le public rentre, je tire le cordon machinalement, mais je ne sais pas qui y passe. Alors que faites-vous dans cette maison si vous ne savez pas ce qui s'y passe? Je ne suis pas de ces concierges qui causent avec les uns et les autres. D'ailleurs, j'ai assez à nettoyer dans une cité où il y a 60 locataires. Je ne saurai rien de cette femme, pensa le commissaire. Elle est gagnée. Elle m'a pourtant dit que la victime avait de l'argent. Il se fit montrer la chambre de Créti qu'un serrurier vint ouvrir. La poussière était épaisse et de la même épaisseur partout. Nulle trace de pied n'en avait rien enlevé. Le lit n'était pas défait. Cette poussière devait être vieille de 15 jours. Évidemment, Créti n'était pas rentré chez lui, n'avait pas été tué dans sa chambre. « Vous le savez, » dit le commissaire en regardant fixement la portière, « on a retrouvé un bras de Créti dans un puits et une jambe dans un autre puits. » Cette femme tressaillit et répondit « Dame, c'est vrai, monsieur, que si Créti s'était suicidé, il se serait jeté tout entier dans le même puits. » Monsieur le commissaire se fit ouvrir l'étage au-dessous, la chambre du tailleur. Il n'y avait aucun meuble dans cette chambre, sauf un coucou oublié. Une odeur de papier frais, c'est-à-dire de colle et d'encaustique, passée sur le carreau, monta au nez de monsieur le commissaire. Il mit une note sur son calepin. « Le tailleur Rénal a déménagé hier, » dit-il à la portière. « Donnez-moi sa nouvelle adresse. » Monsieur le commissaire avait fait simplement la réflexion qu'un coucou ne marche pas plus de 24 heures. que celui-là marchait encore et qu'il fallait une préoccupation bien grande pour qu'un tailleur oublie un objet si utile pour la réglementation de son travail et pour les journées à payer aux ouvriers. « Sa nouvelle adresse ?» dit la portière effarée. « Je ne la sais pas. M. Reynal est parti sans la dire, je vous jure que... »« Peu m'importe, » dit M. le commissaire. « Avant un quart d'heure, je la saurai. » La concierge se résigna à la donner et M. le commissaire se hâta d'aller chez le tailleur en voiture avant que la concierge y arrivât à pied, comme le dévouement obscur, afin de le prévenir. Le commissaire se trouva face à face avec Reynal et lui dit, en manière de salutation angélique, « C'est vous qui avez tué Créty ?» L'homme ne pâlit pas, ne balbutia pas et répondit sans embarras. « Monsieur le commissaire, je ne sais pas ce que vous voulez dire. »« Bon, » se dit le commissaire, « voilà une réponse préparée. » Un innocent se troublerait, rougirait, aurait l'air d'un coupable, tandis que celui-ci s'est appliqué à voir la figure d'un innocent. Il a répété devant sa glace 100 fois. « Monsieur le commissaire, je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Il est arrivé à une perfection de diction qu'on ne rencontre jamais du premier coup. Cependant, il poursuivit ses questions sans que jamais le sang-froid du tailleur se démentît. Et il expliqua par des raisons plausibles son déménagement précipité. Il dit au tailleur qu'il désirait visiter son ancienne chambre de la cité ouvrière avec lui, sa femme, une ouvrière giletière qui il travaillait pour Reynal et un agent. Le tailleur y consentit de la meilleure grâce du monde. Quand on fut dans l'ancienne chambre voisine de celle de Créty, et où il n'y avait pas même une mince toile d'araignée pour ornement, M. le commissaire demanda à Reynal la place des meubles. « Puisque vous êtes si malin, » dit cet homme de tombereux, « trouvez-la vous-même. »« Bien, » dit M. le commissaire, « donnez-moi seulement un morceau de papier que je trace un plan. » Le tailleur chercha le papier dans son portefeuille, et en ouvrant, montra qu'il contenait beaucoup de paperasse. Parmi toutes, Monsieur le commissaire vit un fragment de prospectus dont il eut seulement ces lettres. « Paquebot Trans, une ligne d'écriture ou une ligne d'imprimé suffit à faire pendre un homme. » Monsieur le commissaire dit tout bas à son agent. « Allez voir tout de suite à la compagnie des paquebots transatlantiques si Reynal n'a pas retenu de place pour l'Amérique et revenez en toute hâte. » Monsieur le commissaire était armé d'un crayon et du papier fourni par le tailleur. Là, le lit. Là, des chaises, une commode. « Je demanderai seulement à mademoiselle, » dit le commissaire en se tournant vers la jeune fille qui faisait des boutonnières et des piqûres toute la journée, « où était la place de l'établi ?» La jeune fille montra le milieu de la chambre. Monsieur le commissaire étudiait la distance entre les meubles, calculait la possibilité d'une attaque. Pendant ce temps, son agent revint et lui dit rapidement à l'oreille, « Il a pris 2 places sur le paquebot. Il a payé toutes ses dettes dans le quartier. Il a beaucoup d'argent. » « Pourquoi donc, Reynal ?» dit monsieur le commissaire, en se portant en face du tailleur, subitement. « Pourquoi donc, si vous êtes innocent, partez-vous pour l'Amérique ?»« Moi, je ne pars pas, » dit Reynal, qui par ce nouveau mensonge donnait de nouvelles preuves de sa culpabilité. « Que l'on m'apporte une carafe pleine d'eau, » dit monsieur le commissaire, dominé par une pensée subite. On lui obéit. Il la prit et la versa tout entière sur le carrelage fraîchement peint. Cette eau courait comme si elle avait été à la découverte du crime, comme si elle était payée par monsieur le commissaire pour quelque bon office. Le tailleur n'avait plus sa figure de marbre. Ses yeux, comme les bons acteurs, prêtaient un sens aux moindres choses. Ses contractions, cet effroi du damné qui prouve que l'enfer n'est pas seulement un endroit où l'on va, mais une souffrance que l'on a, commençaient à être visibles pour un coup d'œil exercé. La femme regardait son mari et l'ouvrière regardait sa patronne. Cependant, l'eau, après avoir couru, s'était arrêtée en un coin, car les chambres ont toute une pente, et monsieur le commissaire le savait bien. Elle était toute accumulée sur un carreau et cherchait à entrer par les fissures. « Le sang, » dit monsieur le commissaire, « doit avoir suivi la même route. Soulevez le carreau. » L'agent obéit et l'on trouva du sang sous le fragment de pierre. « Vous le voyez ?» dit monsieur le commissaire au coupable. « Voici le sang de votre victime. » « C'est la couleur fraîche du carrelage qui a pénétré en dessous, » dit le tailleur. « L'analyse démontrera que c'est du sang, » dit le commissaire avec fermeté. Le tailleur fut bel et bien arrêté, mais il dit en lançant à sa femme un regard qui pouvait passer pour un regard d'amour. « La guillotine ne mourra pas de si tôt. » Cette excellente femme songeait qu'on n'est point veuve de par le bourreau, sans que cela ne nuise à la continuation du petit commerce. Elle pensait que les gens ne meurent jamais à propos. Son mari avait fait une maladie après l'assassinat de Créty. Pourquoi n'était-il pas mort à ce moment-là? Elle aurait les billets de banque. Un de ses oncles avait fait une première maladie qui, l'emportant, lui laissait à elle un joli héritage. Bon, il n'était mort que de la seconde, après l'avoir déshérité. Son vieux père n'aurait-il pas mieux fait de mourir de son attaque que de lui rester, infirme, sur les bras? Décidément, comme les gens n'avaient pas de décision et d'à propos, il fallait les aider. Madame Rénal envoyait donc à son mari un excellent rasoir, dans un excellent pain, avec l'excellente intention de lui épargner la guillotine et de s'épargner à elle le discrédit. Le coupable se tua dans sa prison. « Je n'aurais pas cru, » dit la portière de la cité ouvrière, « que le pauvre homme ne verrait pas se coucher l'horreur d'aujourd'hui. J'ai bien deviné qu'il voulait se faire périr le jour où j'ai su qu'il voulait aller sur mer. L'Océanie aurait coulé sous ses fenêtres, qu'il se serait noyé dedans. » Elle voulait dire l'océan. Et quant à monsieur le commissaire, il va, le nez au vent, flairant la piste, à cette chasse aux criminels qui dure toute l'année. Ainsi s'achève, monsieur le commissaire, par Philippe Gerfaut.